mousquetel. Annabelle, c'est un mousquetel. Elle, joue gars, pour école bibel. Elle, carité en bas la trenelle. Elle, carité en l'otacharel. Elle, copini, yo ka crié Michel. Elle, ka travail, pas bon la chapelle. Elle, qui toujours ka marcher tout seul. Elle, lui aussi, c'est un mousquetel. Annabelle est très jolie, elle est très belle et très sensuelle. Mais en fait, il pas du lit, mais c'est en gros. Qui ça? En gros, qui est-elle? Annabelle est très jolie, elle est très belle et très sensuelle. Mais en fait, il pas du lit, mais c'est en gros. Qui ça? En gros, qui est-elle? Annabelle, camarade Christelle, ex-kit, madame Grenelle, qui a fait qu'on s'acquitte, qui a battu à deux quatre, qui a coupé pour sa poubelle. Squat hotel, comme t'as là c'est pas modèle. Moi qui a dit tout femme pucelle, pas avec on Annabelle. Tous les jours au 7ème ciel, qu'a metté mon string ficelle. En bâtiment pendant elle, ça va trop superficiel. 100% infidèle, sacré skittel. Annabelle est très jolie, elle est très belle et très sensuelle. Mais en fait, il pas dit au lit, mais c'est en gros. Qui ça? En gros skittel. Annabelle est très jolie, elle est très belle et très sensuelle. Mais en fait, il c'est pas le même coup, c'est pas le même job, mais tout le monde trouve ça haut. De Paris à Miami, ils disent que nous sommes tous égaux. C'est pas le même coup, c'est pas le même job, mais tout le monde trouve ça haut. De Paris à Miami, ils disent que nous sommes tous égaux, même d'être sous. Mon tous c'est en forme, t'es carré, t'es mon pito. Femme t'as la main, tu montes, t'es bisous, bye, beau gogo. Ça y est, pas tes savlas, c'est que moi c'est un beau qui chaud. Chaud, chaud, chaud. Annabelle est très jolie, elle est très belle et très sensuelle. Mais en fait, il pas dit au lit, mais c'est Chocolate.